fait des lèvres à l'rivée. Pour pas de mentir, moune changé. Gain qui fait sacrifice. Pour bail maman yo affection. Gain petit cap fêté. Quand pour gain cap crié, c'est yo connaît. Ça ressenti. Yo connaît pour qui a plongé. Kaila sans manger ou même papa ou fin habitué non ben l'agence c'est ou qui pi bon et c'est ou yo doué respecté pourtant c'est ou yo pi méprisé. Je dis à ses fêtes, mon petit fleur rouge. Papa, voici papi, papi tololo, voici papi.